La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, conversation avec Jean-Claude Carrière à propos du néant, mais aussi du reste. Il mène depuis 87 ans un certain nombre de vies parallèles, partageant son hyperactive existence entre le cinéma, le théâtre, la littérature et même la science. Écrivain, scénariste, conteur, il a rédigé un nombre considérable de livres, dont le dernier qui vient de paraître s'intitule « La vallée du néant ». Bonjour Jean-Claude Carrière. Et bonjour Étienne. Je reviens pour commencer sur le titre de ce livre « La vallée du néant ». Alors, c'est un titre emprunté à un vieux poème persan du XIIe siècle, dont nous avons avec Peter Brook tiré une pièce qui s'appelle « La conférence des oiseaux ». Les oiseaux s'en vont à la recherche de leur vrai roi et doivent franchir 7 vallées avant d'y arriver. Une de ces vallées s'appelle la vallée du néant. Il se trouve tout à coup, et c'est très difficile de le figurer, devant un endroit où il n'y a rien. Rien. Qu'est-ce que c'est rien, hein? Alors ça, c'est une grande question, mais si oui. Le néant a une vallée, c'est qu'il est quand même pas rien. C'est une vallée qu'il faut franchir. Il faut franchir le rien. C'est ça qui est très... Bon, pour un poète, c'est facile. Mais pour nous, c'est un peu plus difficile. Avant d'arriver à la vérité qui est que ce qu'ils finissent par trouver, au terme de leur voyage, c'est un miroir dans lequel ils se voient. Et une voix leur dit, vous avez fait un long voyage pour arriver au voyageur. Alors c'est un livre qui parle de beaucoup de sujets, la mort, le néant, oui, en effet, surtout le néant, oui, le vide, le monde moderne, le monde que vous avez connu, ce néant qui est... une sorte de... Moi, c'était une promenade, le livre, à vrai dire. Je m'étais mis en tête et je crois que j'ai réussi à ne pas savoir, quand j'écrivais un chapitre, quel chapitre viendrait après. C'est-à-dire de le faire dans un certain désordre, comme une promenade au hasard, où l'on rencontrerait ceci et puis cela. Je m'y suis tenu, j'ai essayé de m'y tenir. Et je me suis rendu compte que ce néant, en réalité, cette bande qui sépare la vie de la mort, les civilisations, les cultures, les hommes, les femmes de tout temps l'ont incroyablement peuplé. Il y a un nombre de choses, il y a plus de choses dans le néant, dans le non-étant, que dans l'être. Ben, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le néant, comme le rappelait Bergson, c'est une idée destructrice d'elle-même? C'est-à-dire que dès qu'on y pense, oui, on en fait autre chose que lui-même. De la même chose que, exactement, de la même chose que, et je suis sûr que vous serez de mon avis, si je vous dis que être mort est un oxymore. On ne peut pas être et mort en même temps. Oxymore avec M-O-R-T à la fin. Oui, mais, Mais est-ce que vous seriez d'accord, Jean-Claude Carrière, pour dire que ce livre, je sais que vous connaissez bien la physique, donc j'ose l'expression. Pas bien, mais... C'est la superposition quantique d'un livre mélancolique et d'un livre joyeux. Oui, c'est très joli, on ne me l'avait jamais dit, mais c'est en effet un rêve. Moi-même, je ne me l'étais jamais dit à moi-même, je ne l'aurais pas osé. Mais c'est vrai que la seule façon de lutter contre la mélancolie, voire contre le désespoir, c'est le rire. C'est de rire de soi-même et de rire de sa propre tristesse. Et de la même façon, il y a des moments où on en a marre de rire et où la tristesse est un bienfait, étrangement. La tristesse peut faire du bien. Par moments, je dis « Ah, que j'aimerais être triste !» Alors là, ce ne sont pas les sujets qui manquent, ni les occasions. Moi, je l'ai vu comme un livre, en effet, par endroits nostalgique et par endroits extrêmement tonique. Un livre qui donne envie de sortir dans la rue, de vivre des expériences, de séduire au plaisir. Oui, moi aussi, naturellement, dès que j'avais fini une page, je sortais, j'allais courir un peu. Est-ce que vous avez conscience, Jean-Claude Carrière, que ce livre est le livre qu'aurait aimé écrire Gustave Flaubert? Non, ça, vous me l'apprenez. J'ai trouvé une lettre à Louise Collet, qu'il a rédigée le 16 janvier 1852, dont je vous lis un petit passage. Donc 5 ans avant Madame Bovary. Voilà. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Oui, c'est très beau. C'était son rêve, en effet. Il a exprimé de différentes façons, à plusieurs moments de sa vie. Mais comment faire un livre sur rien? Un livre qui ne soit rien? C'est très difficile. Il n'y a que une certaine forme de poésie. parce que Flaubert n'a pas connu le surréalisme, n'a pas encore connu tout ce qui s'est développé à partir de Lautréamont, sur un effet des mots mis les uns à côté des autres et qu'on laisse jouer entre eux. Vous connaissez bien ce principe de jeu. Ça, c'est une chose qui l'aurait, je crois, passionné. Parce qu'il est en fait, Flaubert, à l'esprit très rationaliste, très organisé, et peut-être qu'il aurait été très surpris par ce qui va suivre dans les quelques décennies qui vont suivre. Mais les philosophes ont beaucoup écrit sur le néant. Ça a même clivé la philosophie entre ceux qui pensent qu'il existe, ceux qui pensent qu'il n'existe pas. Oui, puis l'idée de néant s'est métamorphosée en l'idée de vide, à propos duquel il y a beaucoup de choses à dire. Exactement, dans le vide de rien. Voilà. Le vide restant dans les philosophies orientales et même en sciences, par exemple pour Michel Cassé, que nous connaissons bien. Que j'ai reçu ici pour parler du vide. Oui, le vide est une notion fondamentale, oui, à partir de laquelle on peut construire beaucoup, beaucoup de choses. Et vous savez que le néant, l'être est le néant, je le cite dans le livre, c'est une expression de Voltaire, traduisant, pour le faire connaître aux Français, le fameux monologue d'Hamlet, qui commence par « Arrête, il faut choisir, et passer à l'instant de la vie à la mort, et de l'être au néant. » Et l'être et le néant vient de là. Mais vous pensez vraiment qu'il y a un lien entre la mort et le néant ? Je ne pense pas, je crois que le néant n'est pas la mort, même si la mort est probablement le néant. Mais je crois que il y a des moments dans la vie, il y a des moments d'extase ou d'intase, comme ça, d'absence de soi, des moments de rêverie profonde, où finalement on a le sentiment de ne plus exister pendant quelque temps. J'adore ces moments-là. Et puis on revient à la vie, comme on dit. Ça me donne envie de vous citer ce petit dialogue écrit par Jules Laforgue. Bonjour Monsieur Bourget, toujours triste ? Et qu'avez-vous ? Réponse, j'ai la vie. Et que trouvez-vous de si triste dans la vie ? Réponse, la mort. Ah, en effet, essayez de sortir de là. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si nous savons tous que nous allons mourir un jour, comme l'a dit Sénèque, et même si personne n'a jamais su qu'il était mort, hein, mais en même temps, c'est peut-être, comme beaucoup d'autres philosophes l'ont dit, c'est peut-être la mort qui donne du prix à la vie. Car si notre vie, imaginons un instant, que nous avons devant nous une vie à perpétuité, que nous sommes condamnés à vivre éternellement, sans fin. D'abord, le mot éternel est pratiquement inimaginable pour notre esprit. Et comment est-ce qu'on pourrait en être sûr ? Comment on pourrait d'abord être sûr ? Ça signifierait que toute notion de danger de mort disparaîtrait, dans les maladies, dans les accidents, c'est tout à fait impossible. On voit bien que c'est la mort, la possibilité de mourir à chaque instant, moi-même, en vous parlant en ce moment, ou quelqu'un qui nous écoute peut tout à coup mourir, qui donne du prix à chaque seconde et à chaque instant de ce que nous vivons. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Louis Carrière, qu'une personne qui se saurait immortelle serait beaucoup plus angoissée qu'une personne mortelle ? Au sens c'est ce que je où dis, un oui, accident oui, pourrait oui. lui faire perdre l'immortalité, oui. ce qui est beaucoup plus que de perdre la vie. En plus, il n'aurait pas d'amis. Il serait seul de sa génération, si j'ose dire, la génération des immortels. Nos amis vieillissent avec nous, meurent quelquefois avant nous. C'est le cas pour moi en ce moment. Beaucoup d'amis très proches sont morts dans les deux ou trois dernières années. Alors on ne sait pas si on doit se réjouir d'être survivant, comme on dit, ou bien se désoler de les avoir perdus. Vous avez écrit de très belles pages sur le rêve d'immortalité en faisant remarquer que s'il y avait des immortels, ils n'auraient pas tous le même âge. Oui, et ne seraient donc pas tous oui. semblables. Oui, c'est vrai. Oui. Puis, s'il fallait être immortel, si, imagine, on en parle beaucoup en ce moment, enfin, de l'immortalité, de l'homme, le transhumain, enfin, ça. Il faudrait, non seulement, si on arrivait à supprimer la mort, il faudrait s'accommoder de cet état d'être tous vieux, plus ou moins vieux, mais il faudrait aussi, et ça c'est pratiquement impossible je pense, supprimer la naissance. Interdire à toutes les femmes sur la surface de la Terre d'avoir des enfants. Vaste programme. Vaste programme. Et d'autant plus que, comme vous savez, il y a une évolution naturelle qui vient depuis plusieurs millions d'années, à laquelle nous sommes tous soumis, qui devrait s'arrêter et qui est d'une puissance irrésistible celle-là. Il faudrait... Comment serait-elle ? Comment la bloquerions-nous ? Jean-Claude Carrière, je me suis permis de rappeler votre âge. 87 oui, ans. Bien sûr. Vous avez des pages magnifiques sur le fait de vieillir dans ce livre La Vallée du Néant. Et je voulais simplement vous faire remarquer que vieillir aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose qu'au 19e siècle, par exemple. J'ai trouvé... D'abord, il n'y avait pas de retraite à l'époque. Je me rappelle un paysan à côté de chez moi, quand il a eu 60 et quelques années, il a reçu, dans les années 60, sa première retraite. Pour lui, c'était un événement mais considérable. C'était un changement de vie. Mais de ma vie, je n'ai été aussi heureux. Alors, comme votre livre m'a donné envie de relire les poètes, ouais. Je voulais vous signaler cette petite lettre qu'écrit Arthur Rimbaud à sa mère, alors qu'il a 36 ans. Il va bientôt mourir. Mmh. Voilà ce qu'il lui dit. Je lis ce petit extrait parce que vous avez presque tous vos cheveux. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi je précise ce détail. Presque tous. Hein. Presque tous. J'ai pas compté. Voilà ce qu'écrit Rimbaud à sa mère. Je me porte bien, mais il me blanchit un cheveu par jour. Depuis le temps que ça dure, je crains d'avoir bientôt une tête comme une houppe poudrée. C'est désolant, cette trahison du cuir chevelu. Mais qu'y faire? Chaque fois que Rimbaud est un de ses auteurs, que chaque fois qu'on me le cite ou chaque fois que j'ouvre un de ses livres et que je lis, je suis étonné. C'est un auteur absolument stupéfiant. Il ne dit rien, il dit des choses absolument justes et très fortes et rien comme personne d'autre. Et sa correspondance ne ressemble pas du tout à sa poésie. Oui, absolument. Oui, il a une correspondance d'homme d'affaires quelquefois. Oui. Alors, est-ce que... Alors, je sais pas par quoi commencer, tellement vous avez fait de choses, mais j'ai notamment... Commençons par la fin. Alors, commençons par la fin. Non, pas tout à fait. Mais vous parlez longuement dans plusieurs ouvrages de votre relation avec Louise Bunuel, qui a duré, je crois, une vingtaine d'années. Oui, 20 collaboration ans, oui, 20 ans, exactement. 20 ans de collaboration et 25 ans d'amitié. Oui, c'était... Ça, ça a été un des grands événements de ma vie, parce que... Bon, j'étais un jeune scénariste quand je l'ai rencontré, j'avais à peine 30 ans. Donc je commençais, j'avais fait de longues études, plus ce que faisait ma génération et que, heureusement, on ne fait plus. Moi, j'ai fait 29 mois de service militaire, dont plus de la moitié en Algérie. Donc ça reculait le début de la vie, le début de la vie active à 29 ou 30 ans. On pouvait vous rien aviez faire fait avant. Des études d'histoire. Oui, des études d'histoire, oui, puis Normal Sup, enfin, le canal habituel, si j'ose dire, ouais. Pas pour tout le monde. Non, mais la grande décision de ma vie a été de ne pas être prof, de ne pas choisir cette filière-là, qui m'était évidemment ouverte. Et avec Pierre Etex, et qui était l'assistant de Jacques Tati, que j'avais connu à cette occasion, de me lancer dans ce qu'on appelle l'écriture. Vous savez, il y a très très peu d'écrivains qui vivent de leur plume. Moi, je n'avais absolument aucune ressource familiale, rien du tout. Et dès la deuxième année, j'ai rencontré Bunuel. On s'est rencontré un jour à Cannes, au cours du festival. Il préparait le journal d'une femme de chambre de Mirbeau, d'après le livre de Mirbeau, que je venais de lire, et bien entendu, je le savais. Et nous avons, au cours d'un repas, parlé de l'adaptation possible. Et nous avions étrangement les mêmes idées de regrouper plusieurs membres, plusieurs patrons de la femme de chambre en une seule famille. Vous voyez, Huit jours après, j'apprenais que je partais à Madrid travailler avec Bunuel, qui était quand même un monument du cinéma mondial. C'est-à-dire que vous avez donné rendez-vous. Oui, vous, exactement. Vous êtes tout à coup en finale des Jeux Olympiques. Là, il est plus question. Et le plus beau a été que quand il a refait un film après ça, il a demandé dans son contrat, je l'ai appris discrètement, de travailler avec moi. Ça, évidemment, c'était... Et ça a duré 20 ans. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, oui. Oui. On a même fait un livre ensemble, mon dernier soupir. Quand il ne pouvait plus travailler comme metteur en scène, on a fait ce livre. Vous dites quelque part que pour Bunuel, le vrai et le faux se distinguent très peu l'un de l'autre. Oui, c'était... La fiction et la réalité s'entremêlent tout le temps. Je vois, pour raconter 1000 histoires sur lui, qui sont toujours très drôles, parce que c'est un personnage extrêmement rigolo. C'était un membre du groupe surréaliste, comme on le sait, mais avec un humour espagnol qui, quelquefois, pouvait être très, très violent. Un psychanalyste, je vous raconte ça, parce que c'est mexicain, avait fait un livre sur son œuvre qui s'appelait L'œil de Bunuel, El ojo de Bunuel. Et en expliquant, comme font les psychanalystes, que quand Bunuel montre ceci, ça veut dire que, etc., ça se rapporte à ça, etc. Bon, alors, il m'avait un peu parlé de ce livre au Mexique, et je me retrouve un jour à Paris, au Centre culturel mexicain, en face de ce psychanalyste, sans Bunuel, et une centaine de personnes. Et on me pose des questions sur ce livre. Je dis oui, je l'ai lu. Et est-ce que Bunuel vous en a parlé? Oui, il m'en a parlé. Et qu'est-ce qu'il vous en a dit? Eh bien, il m'a dit, c'est très intéressant ce qu'a écrit ce monsieur, mais il a oublié une chose, c'est que el ojo, l'œil, en espagnol, ça veut dire aussi le trou du cul. Donc, il a écrit un livre sur le trou du cul de Bulbel, et je le remercie vivement. Alors, tout le monde a éclaté de rire, y compris le psychanalyste, heureusement. Et cet humour espagnol que vous attribuez à Buñuel, est-ce que c'est celui qu'on retrouve dans cette phrase de Buñuel, d'après ce que j'ai lu de vous ? On peut faire n'importe quoi, sauf n'importe quoi. Ça absolument. Laisse pas beaucoup de marge. Oui. C'est-à-dire, il faut faire n'importe quoi. Il faut explorer toutes les possibilités, mais n'en choisir qu'une. C'est ça qui est la difficulté. De la même façon, il disait, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre, à faire admettre aux jeunes étudiants avec qui je travaille souvent, qu'un bon scénariste, ça peut être un bon auteur de théâtre, un bon romancier, tous les matins doit tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Sinon, il ne fera que du sirop. Je ne sais pas si c'est une phrase politiquement correcte. Oui, non, mais il doit au moins en intention avoir cette possibilité en lui. Mais est-ce que cette phrase de Buñuel, on ne pourrait pas plutôt la dire de la façon suivante ? Il faut faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment ? Pas n'importe comment, ça c'est certain. Là, la possibilité de faire quelque chose sans savoir comment faire, et même les surréalistes n'ont jamais osé l'aborder. Je veux dire, Aragon était un excellent versificateur, et Buñuel un très très bon technicien de cinéma. Il connaissait à fond leur technique. Pour pouvoir oublier quelque chose, il faut le connaître à fond. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, dans votre livre, vous rappelez que le cinéma burlesque a disparu. Et vous citez justement une remarque de Buñuel à propos de Keaton. Vous dites « Les films de Keaton sont beaux comme des salles de bain ». C'est lui qui l'a écrit. Il a fait un article sur Keaton. Et ça veut dire il y a un article. Il faut comprendre que il y a 10 années, les années 20, pendant lesquelles le surréalisme et le cinéma burlesque américain sont strictement contemporains. Et la mécanique quantique. Avec le même goût de la destruction et de l'absurde. Après, c'est fini. C'est quand on a essayé de faire du surréalisme après la guerre, quand on a essayé, comme le disait Buñuel lui-même, et Breton, comment en provoquer après Auschwitz ? C'est plus possible. Donc le burlesque a été tué par la Seconde Guerre mondiale, c'est certain. Et les Marx ont été la dernière manifestation. Et c'est très beau cette idée que on va renverser le monde. Enfin, on va par le cinéma renverser le monde, le détruire, dans l'espoir que d'autres le reconstruiront. Oui. Mais vous établissez une sorte de lien entre le surréalisme et la mécanique quantique. Écoutez, la mécanique quantique. Le lien n'est pas évident parce que je ne suis pas sûr qu'il connaissait la mécanique quantique, les membres du groupe surréaliste. Mais dans le premier numéro de La Révolution surréaliste, la fameuse revue qui a incarné le surréalisme pendant longtemps, il y a une photo de Buster Keaton. Et on peut imaginer que les documents étaient vraiment très très soigneusement choisis. Il y a une photo de Keaton. Donc, on peut trouver un lien inconscient dans le fait que la mécanique quantique, c'était une sorte de crise de la représentation. À cette époque, je n'en étais pas conscient. Je le suis devenu beaucoup, beaucoup plus tard. Quand je me suis rendu compte que, poursuivant mon travail d'écrivain et de cinéaste et d'auteur dramatique, un jour, je fais une émission de télévision, qui s'appelait Droit de réponse avec Michel Pollack. Ah, j'ai connu? Oui, avec Savant. Il y avait Savant, Science et philosophie était le thème. Et Pollack, qui était un copain, m'avait invité pour me mettre du côté des philosophes, soi-disant. Et je me suis rendu compte au cours de la soirée que ce que disaient les scientifiques était beaucoup plus intéressant que ce que disaient les philosophes. Et pourquoi ? Parce que ça me parlait de choses d'abord que je ne connaissais pas, qui m'étaient nouvelles. Il y avait Hubert Reeves, qui ce jour-là m'a pris sous son aile. Et ça a été un des premiers à me parler, non seulement de la relativité générale, de laquelle j'avais entendu parler, mais aussi de la mécanique quantique. Et de ce jour, je me suis dit, mais je ne vais pas mourir idiot. La grande aventure de l'esprit au XXe siècle, c'est la science. Ce n'est pas la poésie, ce n'est pas le surréalisme, ce n'est pas la littérature, ce n'est même pas le cinéma. Et c'est de là qu'a commencé votre collaboration. Oui, vous absolument. Avez écrit plusieurs livres avec Jean Douze. Avec une fascination dont je savais dès le départ qu'elle était impuissante, qu'elle ne pouvait pas, je ne serais jamais un scientifique, mais qu'au moins j'aurais accès aux portes de mystère. Ouais. Je pourrais savoir quelles sont les questions qui vous agitent. Ouais. Quelles sont les questions que vous vous posez. Quant à dire si telle ou telle réponse me satisfait, j'en suis évidemment incapable. Mais je me rends compte qu'il y a là un immense territoire, mais sans fin, sans limite. Enfin, on vous sent à vous lire ces livres que vous avez donc écrits avec Jean Audouze et Michel Cassé, plusieurs, des livres sur le visible et sur l'invisible. On sent que vous êtes beaucoup plus fasciné par l'invisible. Oui, avec Thibaut Damour aussi. Voilà, par l'invisible que par le visible. Oui, bien sûr. Vous aimez dire que dans une pièce comme ce studio, il y a beaucoup plus de choses invisibles qui sont présentes que celles que nous voyons. L'invisible est fascinant. C'est surtout pour quelqu'un de cinéma, qui ne voit que le visible, forcément. Une caméra n'est pas quantique en elle-même. Elle ne peut pas percevoir ce qui se passe au niveau de l'invisible. Et les chiffres sont hallucinants. Dans les dimensions de l'invisible, les cerveaux de Boltzmann, par exemple, toutes ces énormes quantités de choses, entre guillemets, qui circulent dans l'air autour de nous, par exemple en ce moment dans la pièce où nous nous trouvons, c'est encore plus impressionnant peut-être que le nombre des galaxies et des planètes habitables. En effet, il y a beaucoup d'atomes, il y a des neutrinos qui traversent le studio. Ah oui, sans arrêt. Qui traversent notre corps aussi. Sans même se rendre compte que nous sommes là. Les neutrinos, non, ils se fichent complètement de notre présence. Mais la réciproque n'est pas vraie. Oui, c'est vrai. Les physiciens s'intéressent de plus en plus aux neutrinos. Oui, à les capturer, on fait des grands bacs, je crois. On s'interroge sur des grandes piscines. Des grandes piscines, c'est pour ça. Pour détecter leur interaction. Des piscines à neutrinos. La plus grande piscine qu'on utilise, c'est la mer Méditerranée. Ah oui. Avec une expérience qui s'appelle Antares, qui a été l'objet d'une émission récente conversation scientifique. Vous parlez de piscine, mais je sais que vous avez travaillé sur le film La piscine. Oui, j'ai écrit. Vous l'avez écrit. Oui. Et vous rappelez que quand on écrit la suite complète des dialogues de ce film, ça fait moins de 8 pages. Oui, exactement. C'est un film muet. Et vous savez, ça vient de quoi? Je sais pas. Vient d'une phrase de Truffaut. Qui m'a dit un jour, est-ce que tu sais que dans Casque d'or de Becker, il y a 7 pages de dialogue? Je me suis dit, je voudrais faire la même chose. C'est un grand film. On ne se rend pas compte. 7 pages de dialogue. 7 pages de dialogue. Et dans la piscine, il y en a 8. Alors que ce ne sont que des personnages, apparemment, qui parlent. En réalité, les regards, les attitudes, les départs des uns, l'arrivée des autres, remplit le film d'un dialogue qui ne se dit pas. Mais qui existe dans les yeux, dans les regards. Ça me fascinait, ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais tu aurais peut-être pu les faire parler davantage. Je dis, non, pas du tout. C'est beaucoup plus intéressant d'établir une tension dans les yeux et d'établir ce que la piscine a souvent été citée dans les écoles de cinéma comme un exemple de dialogue indirect. C'est-à-dire, quelqu'un veut rappeler, Maurice Ronet veut rappeler à Alain Delon qu'il a été l'amant de Romy Schneider autrefois. Et on est en train de manger, c'est un repas chinois. On dit la nourriture chinoise, c'est merveilleux, c'est léger, c'est étonnant. Et il dit oui, et Maurice Ronet dit, oui, il y a aussi les restaurants indonésiens d'Amsterdam qui sont délicieux. Il se tourne vers Romy et lui dit, tu te rappelles? Ce tu te rappelles suffit à créer une tension énorme entre les personnages qui sont là. C'est une vraie perfidie. Mais s'il n'y a que 8 pages de dialogue, ça veut dire que tout le reste doit être écrit aussi. Bien entendu. Et donc ça fait beaucoup plus, j'imagine. Toutes les intentions dans les regards. Quand même, le cinéma et l'art du regard auront tout. Et des attitudes, et doit être, oui, tout ce qui peut passer entre les personnages. Au fond, l'action n'est jamais décrite. Les dialogues sont presque la surface des choses. Vous voyez, ce qui ne peut se dire que comme ça. Et qui sont quelquefois tout à fait anodins. Parce que souvent, de la piscine, ça m'attriste beaucoup, parce que quand je pense à la piscine, que je vois Romy Schneider, qui était si radieuse et merveilleuse dans le film, chaque fois que je vois le film, je me dis, il lui reste 12 ans à vivre, c'est tout. Ah oui. C'est une grande mélancolie. Vous êtes mélancolique sur plusieurs points. Je crois que Buñuel, lorsqu'il a, juste avant de mourir, vous a dit qu'il aimerait bien connaître la suite de l'histoire. Oui, et que régulièrement vous aviez... Non, il parlait d'un feuilleton. Ce qui est embêtant, il disait, c'est de mourir au milieu du feuilleton. Et moi, je lui disais, mais le feuilleton n'a pas de fin. Le feuilleton dans lequel nous vivons, les journaux quotidiens, ce qui se passe, les gilets jaunes récemment, Dieu sait quoi demain, ça n'a pas de fin. Il n'y a pas un jour où on pourra dire, le feuilleton est terminé. Et c'est vrai que vous alliez sur sa tombe lui lire le journal? Oui, ça, je l'ai raconté dans un livre, mais je ne l'ai jamais fait, non. Parce que, d'abord, il n'a pas de tombe à Paris. Ça, je l'ai inventé. Vous inventez un peu comme Buñuel. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le réveil de Buñuel pour pour raconter un certain nombre de choses que nous n'avions pas pu ou pas eu le temps de dire dans mon dernier soupir, et qu'à la fin je vais lui lire le journal sur sa tombe. Mais en fait, il est resté au Mexique. Mais je suis très déçu parce que je trouvais ça magnifique. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, un peu avant qu'on commence l'émission, vous avez une formation d'historien. Oui, oui. Et vous avez beaucoup étudié le Moyen-Âge, et vous me disiez que la bataille de Poitiers n'a jamais eu lieu. Ça, c'est-à-dire que les fake news... l'année de la Grecque, on avait en effet l'islam au Moyen-Âge, au programme. D'abord, on a oublié complètement en France que nous avons eu un imam à Toulouse pendant plus d'un siècle. Déjà, on a oublié ça. Ouais. Ensuite, la bataille de Poitiers, qui est considérée comme un haut fait de l'histoire de France. Notre vieux professeur spécialiste de l'islam est probablement un des deux ou trois meilleurs de France à l'époque, en Sorbonne, nous a dit cette phrase inoubliable, la bataille de Poitiers. Nous savons aujourd'hui qu'elle n'a pas eu lieu, que si elle a eu lieu, elle était une escarmouche et pas à Poitiers, et que si elle a eu lieu en dehors de Poitiers, nous l'avons perdue. Voilà à peu près ce que... Et Charles Martel, le nom de Martel lui a été donné à sa naissance. Il n'en a pas du tout gagné en écrasant les Arabes de sa masse d'armes. Bon, tout ce qu'on a appris... Non, mais toute l'histoire, ça, il n'a pas qu'à l'histoire de France. Hein. On apprend aux Chinois que le Tibet a toujours fait partie de la Chine, on apprend aux petits Turcs que les Turcs étaient en Anatolie à l'époque romaine, etc. Tout est mensonge dans l'histoire, c'est même très étonnant. La galerie des victoires de Louis XIV à Versailles, c'est une galerie de mensonges. Complètement. L'histoire de Napoléon, telle qu'on nous la raconte, mais c'est hallucinant. Parce que Napoléon laisse une France plus petite qu'il l'a trouvée. Appauvrie à un point extrême, avec 1 500 000 hommes de moins dans sa population. Détestée par toute l'Europe, endettée, etc. Et on fait de lui notre grand héros national. C'est absolument incompréhensible. Alors qu'il est détesté partout. Évidemment, c'était un corsaire au pouvoir. C'était le prototype même des dictateurs des temps modernes. Donc, d'après ce que vous dites là, il y a une sorte de réécriture constante de l'histoire, ou plutôt une sorte de glaciation d'une façon de dire le soir. Non, je crois que l'histoire fait partie de la culture d'un peuple. On lui a appris ce qu'il était, et ça sert de modèle. L'histoire voudrait que Vercingétorix soit le modèle des Français. Alors que Vercingétorix, jusqu'à Napoléon III, on n'en parlait pas. Et la première statue qu'on a eue de lui avec des moustaches ressemblait à Napoléon III. Par la suite, on a appris que les Gaulois ne portaient pas la moustache. Bon, etc. Mais Vercingétorix était certainement un personnage intéressant. D'ailleurs, César en parle en louant son courage et la force de sa parole. Mais ce que nous savons de lui, c'est rien. Qu'il est mort, il a été étranglé à Rome après avoir figuré dans le triomphe de César, c'est tout. Mais tout ce que je crois que tous les pays du monde racontent leur histoire, qui ne coïncide pas du tout avec celle de leurs voisins. Et c'est embêtant quelquefois. On l'a vu lors de la dislocation de la Yougoslavie, où chaque partie de la Yougoslavie, la Bosnie, l'Herzégovine, la Serbie, racontait l'histoire commune à sa façon. Du point de vue, quelqu'un avait fait une étude là-dessus, c'est étonnant de voir que les mêmes événements n'étaient pas du tout les mêmes, selon qu'on leur racontait d'un côté ou de l'autre. Mais ça veut dire qu'il serait impossible d'avoir une vraie histoire qui soit transcendante par rapport aux différentes Je crois que l'histoire est une discipline impossible. D'abord parce que c'est le passé. Il y a un passé. Des événements ont eu lieu à un moment donné, ici et là, un peu partout dans le monde. Ensuite, il y a, entre le passé et l'histoire, il y a la mémoire. De quoi nous nous souvenons, d'abord vous et moi, de ce que nous avons connu dans notre vie. De quoi se souviennent les historiens, les mémorialistes, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. La mémoire est un exercice du temps présent. Il ne faut jamais oublier ça. La mémoire, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'histoire. L'histoire qui doit combiner le passé à travers les mémoires. Parce qu'elle n'a pas d'autre, elle a quelquefois des ruines, des traces, très très peu de ce qui s'est passé jadis. Donc elle doit passer à travers une infinité de mémoires contradictoires pour retrouver le passé. Bon, je pourrais vous laisser parler comme ça des heures, sans même moi-même prendre la parole, mais on va quand même écouter une chanson que vous avez choisie, dont vous dites qu'elle est la plus belle du répertoire français. Oui, c'est une chanson de Charles Trenet. C'est un pays, nous sommes tous les deux du Languedoc. Enfin, lui, il a fait ses études à Béziers, les deux Narbonne. Moi, je suis un Héraulté. Et je l'ai bien connu, à plusieurs reprises. Personnage absolument insupportable, d'une insolence folle. Il pouvait tout se permettre, vraiment, à l'égard de n'importe qui. Et cette chanson, La Folle Complainte, si on l'écoute bien, est le plus obscène des textes, et en même temps le plus mélancolique, le plus touchant et le plus personnel. On va l'écouter de façon attentive. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. Chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux. Enfin, poussière était mon nom, c'est magnifique. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Ça, ouais, je l'ai écouté avec attention. Oui, oui. Sur votre recommandation, et en fait, bon. J'y ai entendu des choses que je n'avais pas perçues. Ah oui, ce sont des mots très simples. La barbe de grand-père a tout remis en ordre. On peut guère aller plus loin. Ça, c'est drôle comme il peut passer d'un excès à l'autre. Il peut passer d'un extrait d'obscénité, on peut le dire, tout à coup à une tendresse infinie. Une superposition quantique. Oui, ouais. Alors, je ne sais pas comment continuer, parce que vous avez rencontré tellement de gens dont j'aimerais vous entendre parler, notamment Umberto Eco, oui. dont vous dites qu'il a été la personne avec un... Je l'ai rencontré assez tard, et je l'ai rencontré à l'occasion d'un bouquin, mais nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. C'est-à-dire, il avait créé, quand il était encore prof à Bologne, plus vieille université du monde, d'Europe en tout cas, il avait créé un espace qui s'appelait Erasmus, qui vous eût intéressé, car il dit, recevait des gens de différentes disciplines pour parler de leur méthode de travail. Et il m'a invité un jour, moi, scénariste, à parler avec un océanographe. C'était tout à fait intéressant d'arriver à trouver, vous voyez, des méthodes de travail, des points communs dans notre recherche. Ça, il adorait faire ça. Alors, on est devenus très amis. Il était professeur, il avait la chaire de sémiotique à Bologne. Puis, il a pris sa retraite. Il a eu un énorme succès avec le nom d'Arros. Et on est devenus amis. On a fait plusieurs livres ensemble. Et je l'ai beaucoup regretté. On était devenu une espèce de couple de clowns, tous les deux, de clowns savants. Vous voyez, on allait comme ça, ça durait, on nous annonçait pour 1h30, ça durait 4h, parce que les gens posaient sans cesse des questions. Nous avons fait un livre qui s'appelle « N'espérez pas vous débarrasser des livres », et nous qui étions tellement, entre guillemets, savants, par exemple, Umberto, nous étions tous les deux bibliophiles, mais Umberto ne collectionnait que les livres d'erreur, de la fausse science. Il disait toujours « J'ai Ptolémée, je n'ai pas Galilée ». Parce que là, il n'aimait que ça. Or, dans le livre que nous avons fait ensemble, une erreur s'est glissée. Ça, c'est, là, je trouve, la revanche des orages, comme dirait Charles Trenet. C'est, à un moment donné, on parle des incunables qui sont les livres publiés au XVe siècle, c'est-à-dire après l'invention de l'imprimerie, jusqu'à la fin du XVe siècle. Et nous avons mis dans notre livre, je ne sais pas lequel des deux, donc ce sont les livres publiés jusqu'au 31 décembre 1499. Eh bien, c'est une erreur. C'est faux. Parce qu'à l'époque, l'année se terminait à Pâques. Voilà. Et aucun de nous deux, si savants que nous fissions, n'y a pensé. Mais alors c'est merveilleux, l'erreur s'est vengée. Et vous rappelez aussi que il était un grand spécialiste de l'histoire du papier. C'était... Une histoire avec la guerre de 30 ans. Ah oui, ça c'est incroyable. J'avais un gros in-folio chez moi, imprimé à Augsbourg au XVIIe siècle. Et en le regardant sur la tranche... Oui. Il y avait une partie, comme 30, 40 pages, qui était d'une couleur différente des autres pages, plus foncées ou plus claires, je ne me rappelle pas. Et un jour, je lui montre ce livre, je lui dis, tu as vu, c'est curieux, le papier change de couleur. Et il m'a dit, mais ça, c'est la guerre de 30 ans. Il le savait. Il savait que pendant la guerre de 30 ans, le Augsbourg ne pouvait pas se fournir de la même qualité de papier. C'est extravagant, jusqu'où peut aller la connaissance. Il m'a appris ça ce jour-là. Donc c'est quand même important de connaître l'histoire. Ah oui, cette histoire-là. Ça explique certaines choses. Non mais il est arrivé qu'on nous a mis à la porte quelquefois de soirées où nous discutions de choses beaucoup trop techniques et incompréhensibles. C'était insupportable pour les autres. Des gens qui étaient là. Et de continuer sur le trottoir dans la rue à discuter jusqu'à 3h du matin. Non, regretter, c'était un homme merveilleusement bavard, instruit, drôle, très très drôle. Oui, un humour très spécial. Oui, très spécial. Et j'allais chez lui dans sa maison de campagne en Italie. On travaillait dans la piscine. Donc, c'était beau dire. Il pratiquait un peu comme Buñuel, qu'on citait tout à l'heure, les phrases autoréférentes, les phrases dont le message contredit l'énoncé, par exemple. Ouais, j'avais lu ça quelque part, je ne sais plus dans quel livre. Je me souviens qu'autrefois, j'étais indécis. Mais aujourd'hui, j'en suis plus tout à fait sûr. Oui, c'est très joli, oui, c'est vrai. Tout à fait joli. Bon, est-ce que vous avez envie de parler, Jean-Claude Carrière, un peu de l'Inde? Parce que vous avez écrit un dictionnaire amoureux de l'Inde. Oui, seulement, je vous arrête tout de suite. C'est difficile de parler un peu de l'Inde. Oui. Bon, on a un peu de temps quand même. Vous voyez, je dis toujours qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire avant 40 ans. Je conseille à tous les jeunes auditeurs. L'une, c'est d'aller en Inde. Parce que si on va en Inde avant 40 ans, on risque d'être tellement ébloui, tellement surpris, qu'on ne s'intéresse plus aux autres cultures qui foisonnent sur la Terre. C'est un piège existentiel. C'est un piège. On risque d'être bloqué sur l'Inde. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire avant 40 ans, c'est lire Proust. Ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore un sens de la durée. Il faut avoir une certaine durée de vie derrière soi, pour mesurer dans l'œuvre de Proust ce qu'il appelle le temps, et qui n'est pas forcément le vôtre ni le mien. Vous voyez, c'est quel âge vous recommandez? Quand il dit, par exemple, que quelqu'un est mort, Proust ne dit pas la vie s'est retirée de ce corps. Il dit le temps s'est retiré de ce corps. Oui, donc le temps pour lui est un vrai personnage. Il faut relire l'œuvre de Proust en mettant le temps comme s'il était là, présent avec lui, dans son lit de malade, à côté de lui. C'est pour ça que il faut lire Proust à 20-25 ans, comme on lirait Flaubert ou Balzac ou tel autre grand romancier. C'est dangereux, parce qu'on risque de passer à côté de l'essentiel. Alors, vous êtes allé en Inde, donc vous avez subi ce choc. J'ai subi ce choc, mais assez tard, heureusement. J'étais allé une fois au Festival de cinéma de Delhi, ça n'a pas d'importance. Et j'y suis retourné très longuement, et je ne sais combien de fois. Je crois que mon dernier voyage, c'était le 47e, mon dernier séjour. J'y suis avec Peter Brook pour travailler sur le Mahabharata. Le Mahabharata est un poème épique, indien, très ancien, sur lequel repose toute la culture, toute la civilisation indienne. Et nous avions eu cette idée folle de l'adapter au théâtre et d'en faire même une série de télévision. Donc nous sommes partis, ça a pris 11 ans. Hein. Donc nous sommes partis avec... D'abord nous l'avons lu. Pour lire le Mahabharata, ça prend un an. Il faut le lire, une fois nous l'avons lu en français, une fois en anglais. Il y a une version anglaise faite par des Indiens, parce qu'on ne trouve pas le texte. Il n'y a pas de version allemande, il n'y a pas de version espagnole, etc. Il paraît qu'il y a une version en persan, complète. Et en Inde, il y a plusieurs versions. Donc, nous l'avons lu parce que nous ne voulions pas arriver en Inde en disant, alors, Arjuna, c'est qui? Vous voyez, des personnages très connus là-bas. Et nous avons travaillé longtemps, même dans les campagnes, dans les petits villages, avec des groupes de théâtre locaux, pour voir comment ils adaptaient le Mahabharata aujourd'hui. Très vite, nous nous sommes rendus compte que le Mahabharata, c'est l'Inde tout entière. Et qu'on ne peut pas prendre ce texte et l'adapter sans connaître l'Inde. Alors nous avons décidé, voilà, d'aller aussi souvent que possible et dans d'aussi nombreux lieux que possible en Inde. Et je dois vous dire qu'à part Buñuel, et peut-être Piretex, avec qui j'ai passé de très bons moments, partir avec Peter Brook un matin en voiture avec un chauffeur indien d'un hôtel, tous les deux, sans savoir où on va, en sachant vaguement où on dormira le soir, et partir en Inde, s'arrêter, tiens, qu'est-ce que c'est? Un mariage peut-être. Et si on allait se faire inviter? Ou bien, tiens, des ruines à visiter. Ou bien, tiens, qu'est-ce que c'est que ce village, ce monument? Partir, et pendant tout ce temps, parler avec Peter, qui est l'esprit le plus alerte, le plus vif, le plus curieux que j'ai jamais rencontré, c'est pour moi parmi les très très beaux, les très très belles récompenses que j'ai reçues dans ma vie. Si je me trompe pas, il a fait comme vous. Vous, vous avez écrit sur le néant. Lui, il a écrit sur le vide. Il a écrit un livre qui s'appelle L'espace vide. L'espace vide, parce que... Sur le métier d'acteur, en fait. L'espace vide, pour lui, il a commencé ses mises en scène de théâtre très tôt. Vous savez, à 22 ans, il était directeur de Royal Shakespeare. Il raconte qu'il avait fait sa première mise en scène en la calculant à l'avance. En la dessinant, en disant, voilà, un tel rentrera ici, on le verra de là, on ira, on fera tel ou tel... Il s'en est mordu les doigts parce que ça ne marchait pas. À partir de là, il a décidé que il supprimerait toute espèce de préparation et commencerait sa mise en scène avec les acteurs. C'est-à-dire dans un espace vide. Et que cet espace se meublerait petit à petit, à la fois de comédiens, de personnages et éventuellement d'objets. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jean-Claude Carrière, j'ai rappelé votre âge, je le redis, mais 87 ans. 87 ans et demi. C'est quand même très court. Non, 87 ans et demi. Non, mais c'est très court pour avoir vécu tout ce que vous avez vécu. Écoutez. Quand on voit le nombre de livres que vous avez rédigés. Si vous m'attendez un jour me plaindre de ma vie, je vous autorise à me gifler parce que moi je suis fils d'un tout petit paysan du Midi et un enfant du système éducatif de la République. Parce que mes institutrices ont poussé mes parents à me faire passer une bourse à l'âge de 9 ans. Et que j'ai réussi cette bourse, que j'ai pu faire ce qu'on appelait autrefois des études. Mais sinon, je ne serais pas là à parler avec vous aujourd'hui. Et ce merveilleux chemin que peut être une vie, même si elle conduit au néant, le néant étant encore, comme je le dis dans le livre, une promenade possible, parce qu'on peut aller dans le néant des autres. Vous voyez, comment les autres ont peuplé, comment les pharaons, comment les anciens empereurs chinois ont peuplé leur néant. Ça peut être très intéressant. Et j'en parle assez souvent dans le livre. Sans même savoir où va s'arrêter cette promenade, sans même savoir où et quand je mourrai, peu importe, puisque je ne saurai jamais que je serai mort. Hein, comme l'a dit Sénèque, qui a dit là-dessus la plus belle phrase qui soit. Ça m'a toujours paru un privilège peut-être immérité. Je ne sais pas pourquoi je tiens et je m'étonne beaucoup aujourd'hui que dans notre système et je me désole que dans notre système éducatif, les gens issus, disons, de classes moyennes ou même carrément pauvres comme la mienne, soient de moins en moins nombreux à accéder aux grandes écoles. Ça, je ne comprends pas pourquoi et je m'en désole. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui s'est fermé, Ce sont les enfants de bourgeois aujourd'hui qui, beaucoup plus qu'autrefois, accèdent à des positions, disons... comme. C'est-à-dire que les prédictions de Bourdieu se réalisent... Oui, oui, c'est vrai. Oui. Peut-être aussi parce que il y a moins de paysans qu'autrefois, tout simplement. Je me dis ça quelquefois. Maintenant, quoi, il y a 3% de paysans en France. Dans ma jeunesse, il y en avait 25-30%. Mais c'est bizarre que vous parlez tellement du présent, enfin, pas que du présent, mais vous êtes très au courant de tout ce qui se passe. Et pourtant, dans le chapitre de votre livre que vous consacrez au fait de vieillir, vous dites « Vieillir, c'est lorsque le monde et moi, soudain, nous faisons deux ». Je n'ai pas l'impression que vous fassiez deux avec le monde. Pas en ce moment, en tout cas. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous m'interrogez, c'est parce que vous me provoquez. Je veux dire, le fait de parler à quelqu'un comme nous le faisons en ce moment, ce face-à-face, là, vous me regardez dans les yeux, je vous regarde, nous savons que des gens peut-être nous écoutent. C'est un moment de vie merveilleux. Mais comment faire ça tout seul? Je vais pas me regarder dans ma glace et me parler. Donc il y a forcément des moments où nous nous sentons plus seuls qu'à d'autres. Mais même quand vous êtes seul, je devine que vous avez gardé une sorte d'appétit presque frénétique pour le savoir. J'ai toujours eu une flopée de carnets à côté de moi, oui, parce que j'ai commencé comme dessinateur. Mais le premier argent que j'ai gagné de ma vie, c'était comme dessinateur humoristique. Donc je dessine toujours un peu, je fais de temps en temps même une petite exposition. Donc j'ai toujours quelque chose ou une phrase à noter qui va peut-être se glisser dans le prochain scénario. En ce moment, par exemple, nous avons un film avec Louis Garrel qui vient de sortir, là, l'homme fidèle. Nous en préparons un autre et j'essaie de mettre de côté, vous voyez, comme une ménagère qui fait son marché, qui dit, tiens, si je prenais ces poireaux, peut-être ils iraient bien dans la soupe. Ouais, mais est-ce que vous êtes capable de faire une seule chose à la fois? Ou est-ce que ça superpose? Quand j'écris quelque chose, c'est une seule chose à la fois, oui, c'est pas possible. Ce que je peux faire, c'est écrire dans la solitude pour moi. Et ensuite, vous savez, j'ai fondé la FEMIS, l'école de cinéma, je l'ai présidée pendant 10 ans, et j'ai dirigé dans le monde, étant trilingue, à peu près une centaine d'ateliers, à la fois d'écriture cinématographique ou théâtrale. Et ça, j'adore ça. Alors, de temps en temps, je m'interromps et je pars et je vais, je suis allé à Pékin, à Caracas, aux États-Unis, la dernière fois, c'était à Jérusalem, à la Sam Spiegel School, diriger un atelier avec des jeunes, toujours, hein, faut toujours garder le contact avec la jeunesse, de ce pays-là. Ça consiste à se mettre en rond, on est 25 à peu près, et à leur demander de me raconter des débuts d'histoire desquels ils aimeraient faire un film. Et ils ont pour une fois dans leur vie 25 cerveaux autour d'eux pour les aider, dont le mien. Alors je dirige un peu le travail. C'est fascinant ce qu'on peut apprendre sur un pays. Moi, en 10 jours, j'en ai appris sur Israël plus qu'un journaliste n'en eût appris en 3 mois. Par exemple... Et ça, je l'ai raconté au directeur de l'école qui m'a dit, en effet, ça nous étonne beaucoup. Parmi les garçons israéliens, parce que j'avais demandé moitié juif, moitié arabe, moitié homme, moitié femme. Bon. Parmi les garçons israéliens juifs, d'origine juive, 2 sur 3 proposaient un sujet où un jeune homme israélien veut quitter Israël pour aller en Allemagne. Ça, c'est quand même très surprenant. Ouais, tant d'années après. Et alors on a discuté de ça avec René Schor, qui est le président de cette école, un type formidable, et pour en arriver à des conclusions étranges. Mais qu'est-ce qui est resté il n'était pas né à l'époque, ses parents même étaient très jeunes à l'époque. Qu'est-ce qui est resté dans son souvenir, dans sa mémoire? Dans, peut-être même dans ses cellules, quelque part, de ce qui s'est passé, de cette horreur numéro 1 du XXe siècle. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez compris en discutant avec eux d'où pouvait venir ce désir d'Allemagne, on pourrait l'appeler comme ça? J'ai pas essayé de comprendre, parce que moi, le but n'est pas de comprendre, mais de faire un film. Hein, d'arriver à trouver une action logique et intéressante, ouais. Surprenante et intéressante. C'est le comprendre, ce serait l'affaire des psychologues. Je vous en parle à vous aujourd'hui, mais je leur en ai pas parlé à eux. J'ai parlé au directeur de l'école, mais à eux, je leur ai pas demandé pourquoi ils avaient envie d'aller en Allemagne. C'était pas mon ça rôle. Ça veut dire que le fait de passer par la fiction, de proposer oui. la fiction, éclaire sur la fiction, réalité. La fiction éclaire énormément sur la réalité. Rien. Peut-être plus que la réalité elle-même. Parce que la fiction, au moins, nous savons que c'est une fiction. Nous savons que nous l'avons inventée, imaginée. La réalité, nous croyons qu'elle est réelle. Vous savez très bien, vous, un scientifique, qu'elle ne l'est pas. Ça dépend de quelle réalité on parle. Oui, oui. Ça. Mais justement, à propos du savoir, c'était un peu le but de la question que je voulais vous poser. Est-ce que le savoir, c'est un plaisir? Ou est-ce que c'est une nécessité de la vie? Non, c'est plus qu'un plaisir, c'est une joie. Pour moi, le savoir, c'est avec le rire, avec la vie, tout simplement. C'est la joie numéro un de ma vie. Je crois que je dis quelque part dans le livre, le savoir, c'est tout ce qu'un jour nous ne saurons plus. Et c'est bien dommage de le perdre, oui. Et toujours, ça a été un problème. C'est-à-dire, vous pensez que le plus que vous saurez, c'est pendant votre vie et pas après votre mort? Ah oui, ça, je crois pas du tout savoir quelque chose après ma mort. Ça, je n'y compte pas. Si ça vient, tant mieux, hein. Je sais qu'il y a des millions de gens qui croient que la mort est le début d'une autre vie. Ce n'est pas mon cas. Pour moi, la mort est la fin de la vie, point. Mais de tout temps, il y a des gens qui l'ont cru. Alors, s'il y a autre chose, tant mieux. Je verrais bien. J'essaie de ne pas démériter dans cette vie. Mais quand vous parlez de la mort, à chaque fois, il y a une petite pique d'humour qui surgit. Par exemple, dans presque le dernier chapitre, vous racontez une petite histoire qui vous fait bien rire. Deux femmes qui ne se sont pas vues depuis quelque temps se rencontrent. L'une demande à l'autre, et votre mari, ça va? Ouais, toujours mort. Oui, c'est très joli. J'aime aussi beaucoup, peut-être pour terminer, Nasreddin Hoxha, vous savez, ce merveilleux personnage très célèbre dans tout le Moyen-Orient, qui était un gros paresseux, et dans une de ses périodes de non-activité, quelqu'un lui demande « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« Je cherche un moyen pour ne pas mourir. » Et ça marche. Pour le moment, oui. Je crois que vous connaissez, Jean-Claude Carré, bien la Chine aussi. Je connais un peu la Chine, oui. Vous parlez dans un tout dernier chapitre de ce qu'on appelle, dans certaines traditions, la terrasse. La terrasse chinoise. Ah, ça, c'était Pimpano, le sinologue, qui racontait ça. C'est la tradition de la chinoise, qui n'est pas dans toute la Chine, mais dans certaines parties, c'est que vous imaginez, nous sommes ici dans un studio, tout à coup, on frappe à la porte, quelqu'un rentre et dit « Monsieur Carrière, on vous demande sur la terrasse. Ben, » Vous ou moi. Oui, Monsieur Klein, on vous c'est demande pas sur dit. La terrasse. Non, moi, parce que je suis le plus vieux. Ah, ça ne prouve rien. Ouais, on vous demande sur la terrasse. Et là, ah bon, vous êtes surpris parce que vous savez ce que ça veut dire. Vous allez sur la terrasse, vous vous avancez, vous voyez en bas, sur un chemin, toute votre vie qui défile. Et à la fin de ce défilé, vous mourrez. C'est-à-dire que la terrasse vous offre un dernier spectacle de ce que votre vie a été ou aurait pu être. Mais là, on peut dire à la personne qui vient nous chercher pour nous amener sur cette terrasse, bah, attendez, on doit terminer l'émission. Attendez un peu, on n'a pas fini. Oui, et là, on vous dit non, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas dans tout, encore une fois, pas dans toutes les régions de la Chine, mais c'est assez beau comme image, cette terrasse. Parce que vous avez beau dire, non mais attendez, j'ai un dossier à terminer, non. Ah non, monsieur, c'est maintenant, c'est maintenant. Bon, la notion de retraite, Jean-Claude Carrière, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, vous sortez un film, vous en préparez un autre. Non, c'est-à-dire que... Vous me faites penser un peu à Jean Mallory, 95 ans, qui est venu ici, qui nous disait qu'il avait acheté une maison récemment au Groenland. Oui, quand oui, il sera un peu vieux, il irait finir sa vie. Oui, c'est un exemple à suivre. C'est un phare. C'est un, c'est comme Peter Brook, qui a 93 ou 14 ans aussi, et qui est toujours là. Non, la notion de retraite pour les auteurs, pour les artistes en général, est... Je trouve merveilleusement organisée. Pourquoi? Parce qu'elle est plafonnée. Moi, le maximum de ma retraite, je l'avais déjà atteint à 45 ans. Donc je touche une retraite fixe, voilà. Mais je continue à travailler, et en continuant à travailler, je paye ma retraite. Vous comprenez? Il n'y a qu'une retenue. Ces retenues faites sur mon travail d'aujourd'hui servent à payer les retraites d'auteurs moins favorisés que moi. Et ça, je trouve ça excellent. Cette espèce de mutualité à l'intérieur même d'une profession. Disons. Mais comment est-ce que vous voyez le futur qui se dessine, Jean-Claude Carrière? Moi, je suis très pessimiste. Vous dites, c'était le Dalai Lama disant la vie est devenue désormais l'ennemi de la vie. La vie est devenue l'ennemi de la vie. Il a dit ça dans le livre que nous avons fait ensemble il y a déjà 20 ans. Et c'est vrai que depuis toujours et depuis 60 ans, je milite dans des associations dites d'écologie, peut-être à cause de mes origines paysannes, j'ai pu changer mon village à un point incroyable. Depuis maintenant 3 ou 4 ans, il n'y a plus de coquelicots, il n'y a plus de grillons, enfin tout disparaît. Vous voyez la biodiversité qui s'éteint. Oui, disparaît complètement, mais à un point extrême, c'est très troublant. Et je suis de ceux qui sont plus qu'inquiets de ce qui se prépare dans 15 ou 20 ans, peut-être même avant. J'ai fait tout mon possible pour lutter contre, même le film que nous préparons avec Louis Garrel a à voir avec ça. Ouais. Donc, il s'appelle L'Homme fidèle. Alors celui-là, ça, c'est celui qui vient de sortir. Ah, il y en a un, celui qui est dans les tuyaux. Il y en a un autre qui n'a pas encore de titre, mais que nous cherchons en ce moment. Et de quoi parlions-nous? Du futur qui s'annonce. Le futur qui s'annonce, pour moi, il est très sombre et j'en suis d'autant plus inquiet que j'ai des enfants, des petits-enfants, etc. Vous savez, j'étais déjà avec René Dumont à l'époque du Verdoux. Hein. J'étais avec Brice Lalonde quand il s'est présenté à la présidence de la République. Donc j'étais écologique avant 68, dès 62, 63. Personne n'y attachait la moindre importance. J'ai publié un livre en 70. Il n'y a pas eu un seul article. Si vous lisez ce livre aujourd'hui, tout ce qui est sous nos yeux aujourd'hui est dedans. On savait tout ça. Que le gaz carbonique allait nous envahir, que l'oxygène allait se raréfier, que le fait de détruire... Quand même, ce que nous respirons vient pour un tiers de la forêt amazonienne. Nous sommes en train de la détruire. Enfin, pas nous, les Brésiliens. La détruisent. Que va-t-il se passer? D'où allons-nous tirer l'oxygène nécessaire? Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir assisté au cours de votre vie à une inversion du discours scientifique? C'est-à-dire, il y a une période où le discours scientifique permettait de penser un futur... De progrès. Beaucoup plus souriant de progrès, alors qu'aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, qu'il s'agit du climat, de l'énergie, de la biodiversité, des ressources, pour moi, ils ont un discours beaucoup plus pessimiste. Ça a été le grand renversement. C'est-à-dire que je l'ai vu peu à peu, à partir des années 60, s'infiltrer, se glisser dans le discours scientifique, les premières inquiétudes. Comme la science repose avant tout sur un élan de connaissance, sur une espérance de progrès dans la connaissance du monde visible et invisible, ça gênait beaucoup de scientifiques. L'idée que nous allions vers un avenir beaucoup plus dangereux que celui que nous vivions, que le présent que nous vivions. Mais malheureusement, ça n'a pas arrêté. Le GIEC aujourd'hui et les scientifiques qui le composent sont tous atterrés par ce qui se prépare. Donc les scientifiques, en effet, sont, quand ils travaillent sur ces questions, sont très embarrassés de devoir annoncer des mauvaises nouvelles, alors que d'habitude ils font plutôt des promesses engageantes. Mais j'espère qu'il y a quand même des instituts de recherche qui cherchent des remèdes. Ça doit être possible. Absolument, il y a énormément de recherches sur la question de l'énergie, notamment couplée à cette problématique du climat. Mais malheureusement, Jean-Claude Carrière, le temps a passé. Il n'arrête pas de passer. C'est terrible. Mais en même temps, il ne sait faire que ça. Bah oui, mais en même temps, il ne change pas. Donc, il est toujours là à passer. Donc, on pourrait dire qu'il ne passe pas. Mais ce qu'on comprend en vous écoutant et ce qu'on ressent, c'est que quand vous parlez du néant, il s'agit d'un néant qui est quand même très rempli et pas du tout mort. Ah non, pas qui du tout. Vivant. Au contraire, le néant est très plein. Et je me permets donc de vous souhaiter une très longue vie. Merci. Merci, Jean-Claude Carrière, d'être venu. Souhaitez-moi un très long néant. C'est plus garanti. Oui, mais c'est plus garanti. Mais... C'était La Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Célia Dufour et à la réalisation Delphine Lemaire.